Lui, par contre, je ne sais pas ce qu'il indique. La boussole a l'air cassée depuis un moment. C'est Guillermo Ruiz et sa bonne humeur. Hein, Guillermo. La bonne humeur. Bonjour les amis. Salut. Antoine, vous le savez, on n'est pas le 20 décembre. Non. Ça saurait, il y aura un sapin sur la table. Et le père Albert sera assis dessus, évidemment. Non, on est le 3 janvier. Et qui dit 3 janvier dit... Merci. Dis. Bah oui, moi aussi, je cale, en fait. C'est difficile, le 3 janvier. Le 25 décembre, c'est facile, c'est Noël. Le 15 octobre, c'est la nif de Guy Georges. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Tout le monde sait ça. Mais le 3 janvier, il y a Wallou, franchement. Il y a Wallou. Enfin, à la limite, il y a la signature du traité russo-autrichien pour un troisième partage de la Pologne en 1795. Et bon, je me dis, si c'est pour... commencer l'année avec un énième sketch éculé sur la signature du traité russo-autrichien avec les mêmes blagues habituelles sous la cession de la Galicie, le stylo en forme de bite, etc. Attends, t'es russe. Bon, c'est bon, on connaît, autant faire Tinder ou le métro qui pue, tu vois. Donc je me dis, à la place, vous avez pas plutôt envie que je vous fasse un truc marrant, je vous raconte un truc marrant. Ah, si. Bah si, en tout cas, t'as intérêt, hein, si tu veux qu'on te paye, dirait Nagui s'il était pas au Club Med à Pyongyang. Bon, alors, il y a pas longtemps. Je vous raconte, il n'y a pas longtemps, j'ai présenté un gala d'humour avec Alex Vizorek, le petit chansonnier belge que Tom a eu en ligne au début de l'émission. Pour resituer Vizorek, on va dire qu'on vient du même pays, certes, mais qu'on n'a pas exactement le même succès. Moi, je suis un peu Céline Dion, lui, c'est un peu Robert Charlebois. Disons qu'il y en a un des deux qui a une plus grosse maison close. Et bien, notre idée de présentation de gala, c'était de jouer sur nos différences les plus flagrantes, justement. Moi, je suis mignon, lui, il est hémophile, des trucs comme ça. Donc, on a accentué ses différences. Et sur scène, lui, il était en smoking pour avoir l'air vraiment bien classe. Moi, j'étais en t-shirt parce que j'ai déjà l'air classe quelque part. Donc je poste sur Instagram une photo de nous deux avec un commentaire qui dit « Le duo le mieux assorti de l'histoire depuis Stone et Chardin ». Alors, je sais que c'est pas une grande vanne. Je sais, hein, s'il y avait une cérémonie des Césars de la vanne, on filmerait ma déception dans le public pendant le discours du vainqueur, clairement. Mais bon, moi j'ai dit c'est inoffensif, etc. Ça blesse personne. Sauf que quelques heures plus tard, je reçois un message dans ma boîte Instagram qui dit « Salut, je suis la fille de Stone. » Je promets. Bah, Stone, donc. Et elle me dit « Vire cette blague tout de suite, fils de pute, quoi. » Finalement. Et là, je me dis « Waouh, quand même, humoriste. » C'est un champ de mine, quoi. Non, c'est pas vrai. C'était vraiment la fille de Stone, mais elle m'a gentiment dit que ça l'avait fait rire, etc. Puis qu'elle avait montré la photo à sa maman, qui évidemment adorait Vizorek, sans avoir la moindre idée de qui je pouvais bien être. Moi, je suis même pas Robert Charlebois, en fait, je suis Gilles Valiquette. Et si vous ne savez pas qui est Gilles Valiquette, c'est un peu le but. Mais morale de cette anecdote, je pense qu'en 2018, ça va devenir de plus en plus risqué de faire des vannes publiquement pour les humoristes, quoi. Alors qu'on nous en réclame toujours plus, tout le temps, etc., sans raison. Mais ça devient vraiment maladif, quoi. J'ai été vraiment étonné de pas avoir de chronique pendant l'enterrement de Johnny, par exemple, tu vois. Tu vois, juste après le poème de Jean Reno, comme ça, le curé qui fait « Et maintenant, la drôle d'humeur de temps qui passe sur eau. » Et le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus d'humoristes, mais il y a de moins en moins de vannes à faire, en fait, finalement. Et le premier qui tweet cette phrase en oubliant de dire qu'elle est de moi, c'est l'aide d'avocat, jury populaire, bracelet électronique, etc. Je suis très très fier de cette phrase. Moi, en général, je dis que de la merde dans la bande originale, vraiment, et sans vouloir à tout prix m'inventer des points communs avec Daniel Morin. Mais forcément, plus il y a de vigiles aux portes, plus il y a de snipers aux fenêtres, plus les risques de dérapage sont grands quand tu marches à poil dans la rue des médias. Putain, belle phrase, C'est les IA qui écrivent mes textes, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des métaphores maintenant, quoi. Ça rigole plus, on n'est pas à l'abri d'une élocution correcte à l'occasion. C'est bien de buter là-dessus, c'est parfait. On va travailler. Donc en gros, pour éviter les dérapages, et là je m'adresse à mes confrères, l'idéal c'est d'attaquer uniquement les gens qui ne peuvent pas se sentir offensés et surtout qui ne peuvent pas se défendre. Trois exemples, le carrelage, les tucs, l'osier. Il y a des tas de vannes à faire sur l'osier. Pour choquer la sensibilité d'un panier, il faut quand même y aller fort sur les défauts du maillage et les techniques de Hans. Vraiment, il faut y aller vraiment très fort. Mais moi, je dis qu'en 2018, à un moment ou à un autre, je vais déraper et ça va s'arrêter pour moi. Je sais, je vais devoir retourner à ma vie d'avant. Et ça ne me réjouit pas de redevenir proxénète, croyez-le bien. Mais ça me pend au nez parce qu'on est en train de faire de l'humour le truc le plus sérieux du monde. Et pareil, quand vous la ressortez, vous dites que c'est de moi. Allez, bonne émission, les amis. Ah, merci, bravo, Guillermo. La bande originale. Faut aller le voir au point virgule, hein.